de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En janvier 1947, Antonin Artaud donne une conférence au théâtre du Vieux Colombier à Paris. Enfin, donne ou ne donne pas complètement une conférence. Il n'est pas âgé, non, il n'a que 50 ans, mais il est épuisé. Son corps est usé par l'internement, la drogue, les électrochocs. Selon lui, la conscience est infecte parce qu'elle est infectée et ça va mal. En septembre 2001, France Culture diffusait la conférence au Vieux Colombier d'Antonin Artaud. Antonin Artaud, l'inventeur du concept de théâtre de la cruauté, l'auteur du théâtre et son double. La conférence au Vieux Colombier. Histoire vécue d'Artaud Momo, d'Antonin Artaud. Interprété par Philippe Clévenon. Je ne vais pas faire une conférence élégante. Et je ne vais pas faire une conférence, je ne sais pas parler. Quand je parle, je bégaye parce que on me mange mes mots. Je dis qu'on me mange mes mots. Et pour manger, il faut des bouches. Etc. Voilà. J'ai voulu voir quelques personnes parce que j'ai quelque chose à dire et je veux qu'on l'entende et qu'on m'entende. Les sociétés se croient seules et il y a quelqu'un. Je veux dire à haute voix ce qui me tarabuste depuis longtemps, j'ai toujours eu une vie bizarre, anormale, hors cadre. Pourquoi ? D'un côté, c'est mirobolant. De l'autre, je suis un paria. Et la question est que moi, Artaud, j'ai besoin de me battre. Parce que je suis un combattant né. La vie, toute la vie est un coup monté. Puis, les gens se sont rassis. Or, l'idée de la beauté, c'est racise, comme l'a dit Arthur Rimbaud. Et les tramways ont continué à marcher. Vous n'êtes pas libre. La conscience apparente est une façade sur vous jetée par des singes de vieux et très astucieux ouistiti. C'est pas sérieux. Alors, tournons la page et regardons mieux ce qui se passe. Ça va mal. Très mal. Épouvantablement mal. Pourquoi ? Parce que la vie telle qu'on la voit n'est pas vraie. Elle est une illusion. Cela est dans les livres, mais ceux de la philosophie. Et maintenant, assez de plaisanterie, de sornettes, assez de tartufferies, mais assez surtout de... De quoi ? Bordel de Dieu ! Ici, un mot me manque qui m'a manqué dans la vie. Chaque fois que j'ai voulu accuser une certaine chose, le monde va au chaos, c'est entendu, et c'est visible, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais il n'y va pas d'une manière propre, normale. Il y a eu la guerre, une autre guerre, point, mais par-dessus et à côté de la guerre, l'anarchie. Et il va aussi à l'anarchie, mais bon, ce n'est rien. Et l'histoire a déjà vu ça, bien qu'elle l'ait mal vu et qu'elle n'ait jamais rien vu de ce qu'il aurait fallu voir dans tout ça. La guerre, l'anarchie et le chaos sont la façade propre. et encore honorable des choses, que toute histoire pourrait se vanter d'expliquer, quoiqu'elle n'ait jamais rien su arrêter de toutes les saletés non pas consécutives ou corollaires, mais provocatrices de la guerre, de l'anarchie et du chaos. Et ce n'est pas son affaire, dit-on à toute cette histoire-là, mais erreur. Le propre de l'histoire, si elle avait su dire son mot, aurait été non pas d'expliquer ou de raconter, mais d'accuser, de dévoiler certaines saletés, parce que la guerre, l'anarchie et le chaos ne sont qu'un bouillon de culture propre à retremper, à couvrir de poux, à souiller et à infecter notre sacro-sainte humanité. Ça va mal. Parce que la conscience est infecte. Et elle est infecte parce qu'elle est infectée. Ça va mal. Parce que, au fond de la sienne, l'homme ne veut pas que ça aille bien, n'a jamais voulu que ça aille bien. Oh ! La société peut se couvrir de religions, d'institutions, de commandements, de règlements et de police. C'est une façade bonne à endormir les gogos. Et sous le couvert de laquelle ne repose plus, comme il s'endorme, que quelques très rares et suprêmes gogos. Mais en réalité, c'est une pute qui ne veut pas croquer le marmot. Et à qui il faut faire croquer le marmot, une fois, une bonne fois, et que ce soit la bonne cette fois. En attendant de croquer le marmot, la société vient de faire croquer 13 millions d'assassinés, car 13 millions d'hommes tués en pure perte ne peuvent pas être autre chose que de resplendissants, de notoires, de glorieux assassinés, sans compter les 50 millions de mutilés, de trépanés, de traumatisés, de commotionnés, d'idiotisés, de syphilisés, histoire d'ouvrir de nouveaux marchés de pénicilline et autres denrées. Bien. Je ne suis pas un politicien, je ne fais pas de politique. Je ne crois pas qu'il faille en faire, pas plus que de la philosophie, de la médecine, de la biologie, de la sociologie, de l'arithmétique, de la géographie, de l'astronomie, de la science, de la physiologie, de la métaphysique, de l'ontologie, de l'astrologie, de l'anatomie. Toutes ces sciences sont des singes qui n'ont jamais contenu une vérité. Les choses n'ont jamais eu besoin de faire notre connaissance pour vivre. Les malades se passent fort bien des médecins, la vie de biologie, la sagesse de ses petits amis, la société de sociologues comme les hommes de société. Je pourrais ainsi continuer à accuser aussi arbitrairement, sommairement, cursivement, grossièrement, l'arbitraire de toutes les techniques par quoi on a cessé d'encager et d'enganguer. De faire passer sous la gangue et le carcan la conscience que nous avons ou l'ignorance que nous aimerions avoir de ce qui compose la réalité. Mais je préfère en venir enfin et tout de suite au sujet qui me tient à cœur et à l'innommable saleté que j'accuse et qui est tout entière contenue dans le mot qui depuis 50 ans me manque et qui ne me sera pas révélé à moins que je ne le déterre à la force de mon poignet. J'ai donc à dire à la société qu'elle est une pute, et une pute salement armée. Pour que ça aille mal comme ça va mal et depuis si longtemps et aussi obstinément, il faut qu'il y ait quelque chose que cette société de tartuffes payées va maintenant être obligée d'avouer. J'ai été très bien accueilli à Paris quand je suis sorti de l'asile de Rodez. Il n'empêche que j'ai été interné il y a 9 ans. Et que je suis resté 9 ans interné pour une sale histoire de police qui n'a pas encore été réglée. Il n'empêche surtout que pendant les 3 premières années de mon internement, j'ai été mis au secret et déclaré mort dans les asiles où je me trouvais à tous les amis qui venaient prendre des nouvelles de ma santé. Et que pendant ces 3 années de séquestration, de mise au secret, moi, Antonin Artaud, né à Marseille le 4 septembre 1896, 50 ans, auteur de 5 ou 6 livres de poésie, acteur de cinéma, metteur en scène. J'ai été systématiquement et jour après jour empoisonné. Ah, je ne dis pas empoisonné de mauvaises nouvelles ou de visites mal intentionnées. Je ne dis pas, comme on le disait par euphémisme, intoxiqué. Je dis empoisonné, drogué, forcé à absorber des poudres toxiques comme un homme dont on veut à tout prix se débarrasser, et au sujet duquel les administrations des asiles où je me trouvais recevaient tous les jours des ordres venus de beaucoup plus haut et de beaucoup plus loin que cela ne se pratique communément. À force d'avoir été empoisonné à l'asile du Havre pendant les 17 jours où j'y suis resté en cellule et camisole de force avec les pieds attachés au lit, je ne tenais plus sur mes jambes en arrivant à l'asile de Rouen. Et un jour, que me levant de mon lit pour aller au WC, je tombais à terre, me trouvant ensuite dans l'incapacité absolue de me relever. Le médecin-chef qui, bon, je ne sais pourquoi, me guettait, et peut-être qu'il avait lui aussi, comme le docteur Ferdière de Rodez, entendu des voix. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur ce coco-là. Il m'accusa donc d'être un simulateur et me fit mettre en cellule, en chemise et sans caleçon, sur une paillasse à ras du sol, et où je demeurai 1 mois. Dimanche 15 décembre 1946. La condamnation sempiternelle de Dieu dans la vitre du parc qui épousa celle du passé en robe noire. Ça veut dire que le cerveau doit tomber. L'homme que nous sommes n'a pas été fait pour vivre avec un cerveau et ses organes collatéraux, moelle, cœur, poumon, foie, rate, sexe et estomac. Il n'a pas été fait pour vivre avec une circulation sanguine, une digestion, une assimilation des glandes. Il n'a pas été fait non plus pour vivre avec les nerfs d'une sensibilité, d'une vitalité limitée, quand sa sensibilité et sa vie sont sans fin et sans fond, comme la vie, à vie et pour la perpétuité. L'homme que nous sommes ne ressemble à rien qu'à un singe dont nous sommes sortis et qu'il a fait à son image de masturbateur et de châtré. Quand il y en a d'autres que le sans-image n'a pas fini d'imaginer, n'aura jamais fini d'imaginer, car il est trop vrai, hélas, que nous avons été créés quand nous étions tous de l'incréé à qui il fallait foutre la paix, et qui se serait fort bien passé d'exister quand il vivait. Où étions-nous? En Orient. Dans un Orient qui était peut-être le sud infernal des choses, lorsque Dieu nous a dérangés pour nous créer alors que nous étions tous athées. Dieu n'en avait jamais entendu parler, et ce fut la bataille qui n'est pas encore achevée, entre l'homme et, j'allais dire, la divinité, mais non. Car il y a ce qui fut fait avec mon corps, inerte, ignorant, vivant inconscient, et ce qui fut fait avec les résidus chassés de mon corps, après utilisation. Mais tout ce qui n'y est pas arrivé, toutes ces demi-portions corporelles qui jusqu'à l'homme ne sont pas arrivées, qui ne sont jamais parvenues à se faire un corps d'homme entier et ont voulu vivre en essaim mutilé, toutes ces larves de corps tronqués qui se sont un certain jour installées en êtres de pure essence, n'ayant jamais pu être des hommes en entier, oui, tout cela qui s'est classé Dieu et en Dieu, comme si Dieu avait jamais existé. Et c'est cela qui nous a toujours emmerdés. Cela qui ne put jamais être un corps, qui fut trop lâche pour être un corps, pour se gagner un corps forgé, pour se forger, se faire un corps, qui s'est intitulé âme, étant trop lâche pour aller jusqu'au corps. C'est ça! S'est évadé du squelette humain, s'est évadé de la carcasse humaine qui un jour s'est évanouie en fusée, qui a fusé dans un prétendu empiré pour y constituer la divinité. Cela, cette barbaque d'une nausée du néant, des expulsés du néant. Mais tout cela n'intéresse pas le public, je veux dire. Le public que je me sens être, moi, Antonin Artaud. Avec les quelques-uns qui veulent bien m'écouter. Aussi bien, ne suis-je pas ici pour refaire l'histoire philosophique du genre humain de Fabre d'Olivet, ni pour dire comment il se fait qu'étant homme, on nous est ainsi pendant tant de siècles obligés à compter avec la divinité. Et si maintenant nous sommes tous athées, combien y en a-t-il encore en dehors de nous, athées, hommes, qui nous assiègent de Dieu et d'anges et de tous les saints du calendrier? Combien y a-t-il de millions d'églises où l'on nous donne Dieu quotidiennement à bouffer? Ça ne nous touche pas, moi je dis que ça touche, comme ça reste d'avoir été baptisé. Et nous n'aurons pas la paix tant que Dieu sur la terre occupera un seul cœur humain. L'esprit chassé de mes fibres est dans l'air, et il empoisonne toutes les poussières de la terre, toutes les pierres où je dois marcher. Je ne veux plus être endoctriné. Je ne veux plus être un endoctriné. Je ne veux plus être endoctriné comme je sais qu'on m'endoctrine et qu'on endoctrine crapuleusement. Comme je sais qu'éperdument une certaine forme d'esprit réprouvé continue à endoctriner cette humanité, psychiquement et physiquement, anatomiquement et physiologiquement, car ce n'est pas par les philosophies, les religions, les doctrines, les métaphysiques, les théories qu'on endoctrine, c'est par le corps, et avec des corps. Le pur esprit ne serait rien sans les êtres qui nous infectent d'une pure endoctrinante substance venue de larves en décomposition. Dieu nous a pris un jour, quand nous étions dans l'incréé et jamais nés, mais Dieu partit. Il est resté des êtres qui se sont crus de purs esprits parce que, je l'ai déjà dit, ils étaient trop lâches pour être hommes, et qu'ils ont préféré demeurer en esprit. L'homme gagne ses ossements, et il est dur d'arracher ses os au néant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au néant, et dans le néant. Ou si je le sais, ça ne se dit pas sans une bataille que je suis prêt à soutenir quand ils voudront. Avec ceux qui n'en sont pas encore sortis, ils ne cessent de m'emmerder, eux, hommes, et moi, homme. Simplement parce que je suis en vie. Et il en est en tout cas sorti. Des êtres qui n'ont rien à faire sur la terre d'ici, mais qui n'ont jamais vécu que de l'os que s'est fait l'homme de la terre d'ici. À travers les mutilations, la guerre, la famine, les épidémies, la syphilis, la blénorragie, le tabès, la paralysie, en bref, l'homme de cette terre a souffert. Et je crois que ça va avoir fini par lui donner une science, à savoir qu'il n'y a jamais eu de science, de morale ou de philosophie. Pas de religion et pas de néant, pas d'être et pas d'existence, pas de parole et pas de silence où l'on puisse être muet en paix parce que les espaces sont habités et qu'il n'y a rien qui se puisse nommer, que les choses n'ont pas de nom et qu'on ne peut donner un nom aux choses sans être tout de suite cocu. Ou marron. Nous nous croyons libres et nous ne le sommes pas. Les sociétés se croient libres, elles ne le sont pas. Les gouvernements se croient libres, ils ne le sont pas. Les nations se croient libres, elles ne le sont pas. Les villes se croient libres, elles ne le sont pas. Les hommes se croient libres, je veux dire libres, au moins de leur conscience. Et c'est le point où justement l'homme prisonnier des quatre planches de son cercueil pourrait penser avoir plus de liberté si les choses étaient ce qu'il paraît. Mais elles ne sont pas ce qu'il paraît. Et voilà justement le point où le vieil Artaud que je suis a été poignardé. Incarcéré, empoisonné, endormi à l'électricité, pour m'empêcher d'ouvrir la bouche sur une certaine chose que je sais et qui est que la vie est truquée. Un vieux guignol, machiné de la tête aux pieds. Et qu'est-ce que ça peut bien foutre à ceux qui ont de l'argent et qui sont en bonne santé ? La conscience est subjuguée. Et qu'une formidable organisation répond à cet asservissement, à cette attrape, à cette parade, à cette farce éhontée. Et maintenant, des faits et des documents. Car les choses ont toujours agi par-dessus l'anatomie présente. Et ce sont des hommes d'ailleurs qui, aujourd'hui, ont cet esprit-là de se croire de purs esprits. J'ai reçu un coup de couteau à Marseille en 1916. Je suis tombé dans un état bizarre à l'époque de la puberté qu'aucun médecin n'a pu qualifier. État qu'accuse le Pesner, l'ombilique des limbes, la correspondance avec Rivière. J'ai été assassiné sur une place, la nuit des Juifs, descendu en cave de Dublin, cru mort, mis à la question, empoisonné, tenu au secret, endormi à l'électrochoc. À force de creuser ce problème, des souvenirs me sont revenus qui dépassent tout prix possible et m'ont replongé dans mes vies antérieures, de telle sorte que je n'ai plus pu douter d'avoir vécu ces vies antérieures et que c'était moi, Artaud, Antonin, et non un autre qui les avait vécues. Je me suis revu avec une canne en Chine. D'innombrables femmes marchaient avec moi qui avaient des allures de soudard et non de femmes. Ma canne sans arrêt frappait le sol et par moments la terre s'ouvrait puis se refermait comme une méduse qui ramènerait ses membres en soi, aussi lente que l'éternité. Les femmes criaient et m'invectivaient, et chacune de celles qui m'insultaient devenait homme, à force de s'éloigner de moi. Je me suis revu sur les frontières de la Perse, et partout la terre glissait et se mouvait comme un reptile qui s'ossifierait. Je me suis revu chez les Incas, mais pas roi, avec un grand pantalon de toile grise, me demandant ce que je ferais de moi au milieu de la rébellion universelle. Je me revois surtout en Judée, à une date indéterminée. Il y a un souvenir que par-dessus tout je revois, celui d'un homme flagellé dans une chambre ouverte sur la campagne ensoleillée, sur qui tout le monde se vengeait. De quoi ? Du crime de ne ressembler qu'à moi, quand tout le monde se présentait comme ressemblant à tout le monde. Et ça, c'est un fait ! « Je te gifle », me disait une petite boniche, « parce que tu ne ris pas comme moi lorsque les hommes parlent de ça. Il faut rire de haut en bas, et que ça s'ouvre quand on fait ça. Et moi, dit un autre, j'ai contre toi ça. Et je reçus un coup sur la mâchoire droite. Mais je me revois, surtout, sur une espèce de monticule sale, pelé, plein de squelettes de chats morts, et qu'on appelait le Golgotha. J'y fus mené, je sais trop pourquoi maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas aussi distinctement que maintenant. Je croyais encore à une espèce d'erreur, et qu'un miracle se produirait qui m'éviterait le supplice dernier et la mort. Il se produisit, mais quand j'étais mort déjà, et je me souviens mieux de quand j'étais mort. Non. Réajustement des prix et salaires. Mais réajustement de la conscience, de l'anatomie, de la physiologie, car tous les hauts profiteurs de marchés noirs sont aussi par-dessus tout des profiteurs de magie noire. Car il s'agit de refouler hors du monde une vie qui demande à naître et de la remplacer par le battement amoindri de la vie de ce monde-ci. Car la mort est une asphyxie, mais la naissance est une autre asphyxie. Je ne sais pourquoi il n'a jamais pu être question d'être ou de travailler à s'en aller de l'être sans cette armée de mots, bio et torture. Ce hideux cheptel de suppliciation et de torture appelé angoisse, agonie, étouffement, suffocation, étranglement, asphyxie. Ce qui est dangereux chez les gens, c'est pas leur conscience. Elle est là. On peut lui tordre le cou comme à un poulet. C'est ce qu'ils en expulsent, réprouvent, refoulent, ou donc dans ce très haut fond d'eux-mêmes qui rejoint l'espace de tout et où tout le monde se rejoint et où chaque pensée réprimée est un double acrimonieux, animé de l'animosité des sentiments évincés. Et ce double n'est pas un esprit. Et qui pourrait encore supporter une idée sans opacité aucune, fût-ce celle du plein d'une surface vitrée, un être d'une pure essence? Mais ça n'a plus cours aujourd'hui. Et c'est ainsi que l'espace est plein de corps agités. Les corpuscules indifférents du soleil ne sont rien auprès de l'épouvantable densité corporelle de tous les corps. Le que jamais je n'ai été plus près de la vérité, de l'identification de mon corps avec une entité, est faux. Le que ils ne sont pas disposés à me laisser voir dans le secret, que il n'y a plus que l'être en biais, en transversal biseau de tout, est encore plus faux, car ce n'est pas la forme ou signe qui fait les choses, et pas l'être non plus qu'on y met, mais l'application à n'y pas entrer, et à n'y jamais prendre d'être, quel qu'il soit, car d'où sortent les choses, sinon de ce propre corps? On ne se détache pas en se rejetant en arrière, mais en perçant par-dessous, pour décrocher les corps grumelés dans les parois de l'anus suintant. Car c'est d'un corps qu'on se détache et non d'un esprit, non d'un état d'esprit, non d'une attraction spirituelle. L'air est plein de ces corps rejetés à l'image de leur... Et Si la conscience d'un chacun ne les voit pas, c'est qu'elle est aveuglée. Il n'est pas nécessaire d'être halluciné ou délirant pour identifier dans l'air une larve, le squelette d'un mauvais sentiment. Les sentiments purs, les idées pures n'existent pas. Je l'ai déjà dit. Il faut un corps. Elles sont des corps, avec une force délimitée, une densité délimitée, une cohésion plus ou moins décidée. Qui ne voit les vibrions du soleil ? Qui songerait à accuser de délire un homme qui les voit ? Eh bien, l'homme ne les a pas toujours vus. Et le premier qui les a notés dans l'air a été aussi accusé de délirer. Les atomes sont un monde aujourd'hui mort et enterré, et qui maintenant ne veut plus rien dire. Il y en a d'autres. Où vont toutes les pensées inutilisées ? Je me suis, moi, habitué à les voir et... Cela m'a donné une excellente idée de l'occulte où je ne peux plus voir autre chose que le lavatory, la chambre à partouze, la tranchée, la latrine publique. Et c'est pourquoi je dis assez de simagrées. Vous, les hommes, êtes tous des esprits. C'est vous qui jouez le rôle d'esprit. Vous m'accablez sirupeusement de congratulations et de simagrées lorsque, sous le nom d'André Breton, je viens vous faire la conférence que vous m'avez si protocolairement demandée. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Façade de... Mais tel soir où je me promenais sur les quais au milieu d'une détresse insensée, vous vous êtes tous élevés contre moi de toute votre ignominieuse conscience, et j'ai vu vos faces murées par-dessus les gratte-ciel et le pont, beaucoup plus haut que la Voie lactée. J'ai vu tout ce rassemblement d'exigences appelé la société qui disait « Donne-moi ça et ça. Et puis ça. Et puis encore ça. Et va-t'en. Y a rien pour toi. » Sur le plan réel, on te ménage. Nous n'en sommes pas encore à l'assassinat, mais ça viendra. Car la société, c'est... C'est ça et ça. Et non pas ce que tu es, toi. Prêche à côté, on te le permet, mais tu ne toucheras pas à ça. Famille, enfant, patrie, église, capital, propriété, police, armée, naissance, mort. Ainsi donc, par-dessus la vie journalière, la conscience forme des êtres et des corps qu'on peut voir se rassembler et se heurter dans l'atmosphère, distinguer leur personnalité, et ces corps forment d'affreux conciles où tout ce qui peut devenir vie sur la terre se discute en dernier ressort. Je ne suis pas André Breton, je ne suis pas allé à Baltimore, mais... C'est ce que j'ai vu sur les bords de l'Hudson. Je suis mort à Rodez sous un électrochoc. Je dis mort. Légalement et médicalement mort. Le coma d'électrochoc dure un quart d'heure et une demi-heure et plus, et puis le malade respire. Or, une heure après le choc, je ne m'étais pas réveillé et avais cessé de respirer. Surpris de ma rigidité anormale, un infirmier était allé chercher le médecin-chef, lequel, après auscultation, ne me trouva plus signe de vie. J'ai, moi, des souvenirs de ma mort à ce moment-là, mais ce n'est pas sur eux que je me base pour accuser le fait. je m'en tiens strictement aux précisions qui me furent données par le docteur Jean de Quecker, jeune interne de l'asile de Rodez qui les tenait de la bouche du docteur Ferdière lui-même. Et celui-ci lui dit que ce jour-là, il me crut mort. Et qu'il avait déjà fait appeler deux gardiens de l'asile pour leur donner ordre de transporter mon corps à la morgue, car une heure et demie après le choc, je n'étais pas revenu à moi. Et il paraît que c'est au moment où les infirmiers entrèrent pour emporter mon corps que celui-ci rendit un tressaillement minime, après lequel, d'un bloc, je me réveillai. Moi, j'ai un autre souvenir de la chose, mais ce souvenir, je l'ai gardé secret pour moi jusqu'au jour où le docteur Jean de Quecker de l'extérieur me confirma le fait. Et ce souvenir est que tout ce que le docteur Jean de Quecker me raconta, je l'avais vu non de ce côté-ci du monde, mais de l'autre. Et tout simplement de la cellule où le choc avait eu lieu et sous son plafond, bien que, par moment, pour moi, il n'y ait eu ni cellule ni plafond, mais d'un mètre environ au-dessus de mon corps, dans l'air, comme une sorte de montgolfière fluidifiée qui se balançait entre mon corps et le plafond. Et puis, je suis revenu, comme un homme qui reviendrait de l'au-delà. Et je me souviens aussi de cet au-delà, je me souviens d'avoir tourné hagard pendant un temps indéterminé comme une mouche dans mon propre gosier. Puis je m'étais senti crever et jaillir au-dessus de ma propre dépouille, mais sans parvenir à me séparer tout à fait de mon corps, je flottais dans l'air comme un ballon captif, me demandant de quel côté était la route, et si mon corps m'y suivrait jamais, car n'était-il pas tout ce que j'étais? Et ce que j'étais maintenant, n'était-il pas rien devant ce que mon corps avait toujours été, qu'il ne pouvait pas ne pas être à jamais? Et je n'oublierai certes jamais dans aucune vie possible l'horrible passe de sphincter, de révulsion et d'asphyxie par lequel la masse criminelle des êtres impose à l'agonisant de passer avant de lui rendre la liberté. Au chevet d'un mourant, il y a plus de 10 000 êtres, et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Il y a l'unanimité consciente de tous les êtres qui ne veulent pas rendre la vie au mort avant que celui-ci n'ait payé de passer par l'abandon total et absolu de sa dépouille, car même son corps inerte, et surtout son corps, l'être, ne le lui donnera pas. Et que voulez-vous donc qu'un mort fasse de son corps dans le tombeau? Je suis toi, et ta conscience, c'est moi. Voilà ce qu'à ce moment-là disent tous les êtres. Commis, droguistes, épiciers, poinçonneurs de tickets dans les métros, fossoyeurs, émouleurs, cantonniers, boutiquiers, banquiers, prêtres, patrons d'usines, pédagogues, savants, médecins. Pas un ne manque au sinistre tournant. Dommage que pas un autre mort que moi ne soit revenu pour confirmer, comme moi, la chose. Car, ben, en général, en effet, les morts ne reviennent pas. L'électrochoc accompli ne se produisit pas cette fois-là comme les deux premières. Je sentis que ça ne passait pas. Et tout mon corps électrique interne, tout le mensonge de ce corps électrique interne qui depuis un certain nombre de siècles est le fardeau de chaque humain, se retourna, devint en moi comme un immense retour de flamme, monade de néant hérissée à la limite d'une existence détenue par mon corps de plomb, qui ne pouvait sortir de son plomb, ni se lever comme un soldat de plomb. Je ne pouvais plus être mon corps. Je ne voulais pas être ce souffle qui tournerait à mort autour de lui jusqu'à l'extrême dissolution. Ainsi, tordu et replié, fibre sur fibre, je me sentais l'affreux couloir d'une impossible révulsion. Et je ne sais pas quel vide pendu m'envahissait de ses lacunes noires, mais j'étais le vide et pendu. Quant à l'âme, je n'étais plus qu'une affre entre plusieurs étouffements. Où se mettre et par où ressortir? Voilà la seule et unique pensée qui tressautait dans ma gorge prise et bloquée de tous les côtés. Ni par l'âme, ni par l'esprit. Voilà ce que me jetait en passant chaque muraille de suie corporelle. Et tout cela, c'est le monde d'avant. Voilà ce que me disait chaque battement. C'est le corps qui restera. Sans esprit. L'esprit, c'est le malade. J'ai depuis des années un eczéma, herpès inguérissable des testicules. Eh bien, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Quand ça vous gratte trop de ce côté-là, c'est qu'on vous bouffe le cul. Il n'y a pas à avoir peur d'appeler les choses par leur nom. La conscience humaine fait aussi l'objet depuis les millénaires des siècles d'un vaste et incurable envoûtement de ses parties testiculaires en croix, rate de la bune gauche et foie de la corniole droite. Un jour à Rodez, j'ai trouvé que ça allait un peu fort et que les puisatiers de l'invisible incréé y bêchaient un peu loin au fond de mon testicule gauche. J'avais passé ma nuit dans de terribles douleurs entre la colique intestinale, la rage de dents et la crampe d'estomac, exactement à cet endroit-là, mu de toute l'impavide candeur à laquelle il faut croire que 9 ans d'internement n'avaient encore rien appris, j'allais trouver le docteur Ferdière pour lui révéler de quelle ignoble saloperie je souffrais. Depuis 31 ans et plus que je me bats dans l'occulte et avec lui, j'ai fini par tenir le fin bout de la chose et je sais par expérience vécue qu'il n'y a pas d'occulte. Et au sein de cette absence opératoire d'occulte, pas d'esprit et pas de démon, mais des hommes qui ont longuement et minutieusement appris à se conduire en saligot. Les manœuvres de succubas et d'incubas ont toujours été pour un nombre inénarrable d'hommes quelque chose d'aussi banal que pour d'autres une ondulation permanente, un masseur, un shampoing ou un simple bain de pied. Si la médecine ne le sait pas, c'est qu'elle est ignare. Aussi bien sur ce point que sur tous les autres, car c'est essentiellement sa phobie de l'occulte, ou de tout ce qui pouvait être suspect de le friser, qui l'a toujours empêché de comprendre les maladies, car l'organisme humain n'est pas une chose qui s'altère, s'il n'y a pas avant tout, et de fait, quelque chose qui objectivement l'altère. Je veux dire, par un acte concerté et localisé. Espalion. Histoire de l'alcool et de l'arrestation, les électrochocs, les 3 ans de mise au secret, les 5 mois d'empoisonnement. Dublin, la canne, le coup de barre de fer, les 2 coups de couteau, l'affaire d'initier une affaire d'envoûtement. Les envoûtements existent, parce que j'en ai vu, et je dis même que dans l'état actuel des choses, c'est l'envoûtement qui existe plus que la réalité. Espalion, Lot, petite ville de 5200 habitants, avec les 2 molaires des ruines d'un château comme pendus aux gencives du ciel, ce n'est pas de la littérature, c'est comme l'histoire d'un os perdu et par moi-même retrouvé, et en face duquel le hasard m'aurait subitement remis. Pendant les 3 semaines que j'ai passées à Espalion en mars-avril dernier, je ne cessais pas une minute d'avoir l'impression d'être remis en face de l'un des éléments les plus précieux de mon corps, absolument comme si la canne, la fameuse canne, jadis perdue, m'était revenue. C'est à Espalion que remonte la saloperie, la dernière en date qui m'ait été faite par cette société-ci. Cette saloperie m'a été faite par d'imbuvables institutions, mais elle m'a été faite aussi par un homme, le docteur Gaston Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez. Car les institutions ne se remuent que quand les hommes les inspirent ou les animent. Et, à l'origine, sont-ce les institutions qui ont fait les hommes ou les hommes qui ont fait les institutions? Les institutions sont un mythe un peu trop évasif, fusible, fuyant, fondant et déroutant pour que je me laisse aller plus longtemps à la duperie de les combattre, sans avoir au préalable tordu le cou aux têtes d'hommes qui les meublent et en font leur guignol vivant. Un poète alcoolique était passé par Rodez où j'étais interné depuis 3 ans. Le docteur Ferdière me dit « Je l'envoie à Espalion. Allez le rejoindre et empêchez-le de boire. Je vous fais confiance. Ça vous fera une première prise de contact avec l'extérieur. Vous y descendrez à l'hôtel Berthier, on y mange d'excellentes truites. Je vous donne une sortie d'essai de 8 jours, mais téléphonez-moi dans 8 jours et je vous la renouvellerai. » Je m'embarquais donc pour Espalion. C'est un pays de bohémiens. Il n'y a plus de bohémiens, mais on peut y voir le long du Lot une dizaine de monstrueuses maisons croulantes faites de bois, de lits, de bassines rouillées, de morceaux de tanks, de châssis de canons formant charpentes, de blindages passés au vieux fer, et qui me donnèrent une impression étrange, celle d'un élément, je dirais, alchimique, autre que le chimique, et enterré. Je ne sais pas si cet élément fut la cause déterminante de la sale histoire qui me fit quitter Espalion, mais il y eut certainement partie liée. Les choses bouent 100 siècles souterrainement, puis éclatent. C'est ce qu'on appelle un envoûtement. Et la question de faire de l'occultisme ou non en place publique ne peut même plus se poser, car voilà longtemps que l'occultisme a débordé la place publique, ou qu'on ne saurait plus trouver un sentiment, un état, un principe qui fût vivant, parce que secret, sacré, consacré ou refoulé, mais qui a donc dit qu'un refoulement existait ? Je disais donc qu'aucune administration ou police terrestre n'a jamais eu aucun moyen d'action ou de coercition contre le culte, premièrement, parce qu'elle n'y croit pas. Et deuxièmement, parce que elles en proviennent et n'ont été mises là que pour interner, emprisonner, empoisonner, incarcérer, mettre au secret, passer à l'électrochoc les derniers rebelles qui, comme moi, pensent que ça va mal. Très mal. Mais l'esprit public est bœuf de pensée. Il est bœuf devant la pensée. Et il est bœuf parce qu'il est vache. Hideusement et corrosivement vache devant tout ce qui pourrait ressembler à une tentative de pensée, c'est-à-dire aller plus loin que son nez. Ce petit pas hors du bout de son nez, voilà ce que la sacro-sainte masse. Cette masse de bœufs de pensée et de vaches devant la pensée appelée la société, c'est bien juré qu'elle nous interdirait. Et jusqu'à présent, elle y est arrivée. Car tous les moyens de coercition qu'elle n'emploie pas contre l'occulte, elle a toute l'insondable, imbrisable chiourme de tous les gardiens de prison et de bagnes confessionnaux et de tous les prêtres, de tous les juges et au-dessus de tout, de tous les psychiatres et gardiens d'asile pour les imposer à ceux qui, comme moi, ont voulu soulever un coin du voile et montrer ce qu'était la vie. Et de quoi était faite la vie ? C'est ce que j'ai eu la naïveté d'aller vouloir dire au docteur Gaston Ferdière, médecin-chef de l'asile de Rodez, un jour de la fin février 1946. La base de l'occulte est ce mot tabou, aujourd'hui passé de mode, et autour duquel je tourne sans me décider à l'émettre ou le dire depuis le début de ce soliloque sur les événements capitaux de ma vie. Ce mot est l'axe de mon affaire. Une affaire d'envoûtement. Je dis une affaire d'envoûtement, car bon, il paraît que ça n'a plus cours maintenant. Or justement, et C'est à quoi m'ont amené une expérience et une souffrance de 50 ans. Jamais le monde n'a plus vécu sous la dictature de l'antique et traditionnelle magie. Jamais l'occulte n'a eu plus de prise sur la conscience de plus en plus désarmée de l'homme qu'au jour que nous vivons présentement. Et si l'homme ne le dit pas et s'en rit, si hautement il déclare que cela n'existe pas, c'est que l'occulte lui a fait avaler sa science et sa conscience. C'est qu'il a retourné et vissé à bloc en lui cette pointe parfois éveillée de lucidité et de conscience qui peut lui montrer que l'occulte agit. Et de quelle ignoble façon il agit. Il n'en reste pas moins que nul homme ne peut nier que ce qu'il a un intérêt majeur à ne pas vouloir reconnaître. C'est ainsi que j'ai été bien naïf d'aller dire au docteur Fédière que pour moi les envoûtements existaient. Je rappelais au docteur Ferdière que j'étais allé au Mexique et avais gravi la montagne à cheval pendant 6 jours pour aller retrouver une race d'Indiens sorciers à 6 000 mètres de hauteur, que je les y avais trouvés, mais avais souffert là-haut pendant 28 jours d'envoûtement sans nombre dont j'avais décrit les impressions tout au long de mon petit livre intitulé « Voyage au pays des Tarahumara ». Et je lui rappelais que, dans ce livre même, je disais que j'avais été ensorcelé. Il me répondit non. Vous n'avez pas été ensorcelé chez ces Indiens. C'est du délire de le croire. Et puisque votre délire vous le fait encore croire, je vais écrire à votre ami Jean Paulhan que je vais vous passer à une nouvelle série d'électrochocs. Ben comment lui dis-je ? Vous avez lu ce livre ? L'avez mis dans votre bibliothèque comme une des meilleures œuvres écrites en français, disiez-vous, depuis longtemps, et maintenant vous venez me dire que vous allez me soigner pour l'avoir écrit. Ah ben oui, me répondit-il, car je suis là pour redresser votre poésie. Alors là-dessus, je me levais. Ici, ce n'est plus de l'inconscience ou de quoi que ce soit qu'on voudra d'autre, c'est purement et simplement de la crapule. Devant une aussi sinistre malhonnêteté, il n'y a qu'une réponse qui s'impose, l'égorgement. Il faut tordre la gorge aux envoûteurs et aux sorciers. Le docteur Ferdière n'était plus à ce moment-là devant moi, lui-même qu'un envoûteur et qu'un sorcier. Je n'y ai pas regardé d'aussi près sur une place de Dublin fin septembre 1937 pour descendre quelques dizaines de flics, ou devant la prison de Dublin pour ouvrir la figure d'un agent de la sûreté, ou sur le Washington pour casser la tête à coups de table aux stewards et aux chefs mécaniciens qui venaient dans ma cabine me frapper à coups de clé anglaise. Mais ce jour-là, devant le docteur Ferdière, je me trouvais comme paralysé. Mais c'est que j'avais passé par 3 ans de mise au secret, 5 mois d'empoisonnement systématique, 2 ans d'électrochoc saupoudré de 50 coma, un homme n'est plus lui, après tout cela. Et il me faudrait je ne sais combien de tonnes d'héroïne pour retrouver mon état normal. Ainsi, j'ai pensé à le dire en juillet dernier, que je suis l'homme du Golgotha, que je ne m'appelais pas Jésus-Christ, mais Arto, que j'ai toujours abominé le Christ, idée d'un Dieu descendu à l'homme et fait homme, que je suis athée, et ai toujours prétendu être un homme et homme et sans plus, et qu'il faut croire que mon corps d'homme, de simple homme, a toujours été trouvé bon, puisque je n'ai cessé. Et ce ne sont pas des souvenirs d'avant le déluge, mais des souvenirs de cette vie-ci. Jamais cessé, dis-je, d'avoir une légion de porcs, de pourceaux et de truies, hommes et femmes de cette Europe et de cette Asie, appelés ghouls et vampires dans les manuels stupides d'occultisme, appelés succubes et incubes dans les manuels de théologie, mais quels qu'ils soient, étant sur mon corps, et spécialement dans certaines parties dites intimes et inavouables de tout corps. Et Si la médecine avait été intelligente, je veux dire simplement propre et honnête, au lieu de m'empoisonner et de me faire passer à l'électrochoc, de me menacer d'insulinothérapie, elle se serait conviée elle-même à venir entendre ce que j'avais à dire sur la question, mais elle ne l'a pas fait. Et n'a pas pu le faire, parce que, de même que tout homme honnête de ce temps est habité d'un incube ou d'un succube, de même, tout médecin, tout prêtre, tout savant, tout pédagogue de cette époque, est l'incube ou le succube habitant d'un corps humain par lui garrotté, réduit, malmené, maltraité. Abrégé. 9 ans d'internement. 3 ans d'empoisonnement. 2 ans d'électrochoc. 2 coups de couteau en 1916 et 28. Cela donne à réfléchir. J'ai réfléchi. Ça fait un certain nombre de saletés. Il y en a eu une autre. C'est que j'ai été agressé sur un bateau et que, pour la peine de m'être défendu, j'ai été mis en camisole et interné pendant 9 ans. L'histoire d'un écrivain saint d'esprit est séquestré et incarcéré pendant 9 ans, et sans importance, je le sais, et ne peut intéresser que les rares amis de mes œuvres qui ne sont pas légions. Et lorsque j'ai voulu faire annoncer dans les journaux ce petit tête-à-tête afin que tous ceux capables de s'y intéresser puissent être touchés, il m'a été répondu que ça n'en valait pas la peine, entre autres dans Combat et dans Juin. Ah, je ne me suis jamais pris pour un grand personnage, ni même pour un personnage. Mais à réfléchir sur mon cas depuis 30 ans, il m'a paru qu'il était représentatif de quelque chose qui dépasse ma vie individuelle propre et qui explique le mal présent. Et nous allons voir si mon explication... Je me suis déjà, au Mexique, rendu compte, visuellement, de quelque chose. Une douleur et une souffrance individuelle ne valent jamais, en effet, socialement, la peine d'être considérées. Mon histoire n'est pas celle d'un grand personnage, elle est celle d'un homme qui en a sué et chié pendant 10 ans plus que son compte et même au-delà du compte de tout compte. Et que je sais être allé pendant 10 ans et avant, là où l'organisme, le corps et la conscience de l'homme ne vont pas, c'est une histoire de douleur. Et il y a d'autres histoires de douleur que la mienne, mais celle-ci est trouble. Je veux dire qu'elle provient d'une cause que le monde et la société actuelle donneraient tout pour garder cachée. Et c'est à ce titre que je veux en parler, parce que il y a de par le monde d'autres douleurs et d'autres suffocations que la mienne, et qui, pas plus que moi, ne supportent ce monde-ci, et j'ai voulu, en parlant ici, leur faire signe. Et leur dire que, contre ce monde, je suis, moi, de ces parias qui n'oublient pas les sévices subis et ne supportent pas, je ne supporte pas d'être pris un jour de plus comme viande à macération. Il y a une chose qui n'a cessé de bouillir en moi depuis que je suis au monde. Cette chose est l'idée du sort infligé par la machine. Cette sempiternelle anonyme machine appelée société à tous ceux qui ne pensent pas comme elle et qui, çà et là, à travers et depuis l'histoire, ont tenté de faire tomber le cadre et qui en sont morts. Qui sont morts avant d'avoir pu dire de quoi et comment ils souffraient et seraient morts. Car pas un parmi tous ceux-là qui n'est prévu sa mort prochaine. Je le sais, moi. Et vais le dire maintenant. Je sens, moi, trop près de moi, depuis 30 ans que j'écris, l'aphasie de Baudelaire, le délirium tremens d'Edgar Poe, la pendaison de Gérard de Nerval. Pour n'avoir pas fini par avoir une vue nette des circonstances infâmes de leur mort, ils avaient tous, ça et là, leurs amis, et j'ai les miens. Mais la vie ne cessa pas un instant d'être leur ennemi majeur. Et sous la société, ses institutions et ses cadres, c'est la vie qui est mon ennemi. Car j'ai pu savoir de quoi elle était faite, de quel humus sanglant de haine et de stupres elle était faite, pour ne pas avoir vu enfin en elle ma principale et définitive ennemie. De ma naissance à ma mort, moi, j'ai un corps trempé dans la vie, celle de la société et de ses cadres, et qui n'est-elle que parce que le monde, ce monde, l'a sciemment et crapuleusement voulu. Plusieurs fois, la vie a été coupée. Et les choses ne se sont plus retrouvées comme auparavant, depuis 1934. Mais on l'a oublié. Si j'ai voulu raconter l'histoire de ma vie devant tout le monde et la revivre ici même en acte, et comment on fait pour quelques-uns, ce n'est pas à cause de tout ce que ma vie peut contenir d'anormal, d'insolite, de déconcertant, voire surtout d'exorbitant, comme un drame où l'on aurait demandé à un acteur plus que son compte, mais parce que je pense que d'autres que moi auront senti passer en eux la même bête, la même inassouvie et propulsive bête qui ne peut plus maintenant attendre son tour pour renacler, pour agir, mais qui agira justement de la manière interdite. Et sur un plan, ce plan inavoué où l'homme de toutes parts pénètre, et où il est encore légal et tout à fait réglementaire de dire qu'il n'y pénètre pas. J'ai eu, sur le théâtre, un certain nombre d'idées qui ont atteint 2 ou 3 000 personnes sur la Terre, mais que la masse du public repousse, et que ces 3 000 personnes mises à part, elles semblent vouloir repousser de plus en plus, car elle en a compris le danger non pour le théâtre lui-même, mais pour sa réunion en société. Le théâtre de la cruauté n'a pas été possible parce que son existence suppose justement la disparition d'un élément sur lequel la vie publique repose et qu'on appelle la société. Je ne sais pourquoi. Et de quoi les hommes ont cessé de concevoir qu'ils puissent voir sans un gouvernement, une administration, une police, une religion, des institutions, une science et une armée. Ou plutôt, je sais trop que cela remonte à la dernière tentative authentique de théâtre qui ait été faite en Grèce, un peu avant Échille, dans cette période antéhistorique de la vie grecque, où ce qui était au sommet de tout était le théâtre. Et un théâtre où l'on faisait systématiquement couper la tête. J'ai remarqué une chose bizarre, anormale, étrange, que nul ne n'aura voulu et ne veut s'avouer, car il y a des mots d'ordre, d'infranchissables barrières et des sortes d'essentiels interdits. Nous sommes une vie de pantin menée, et ceux qui nous mènent et tiennent les ficelles du sale guignol table avant tout, je dis avant tout sur l'amour-propre invétéré d'un chacun qui fait que, pour rien au monde, cet un chacun ne voudrait ne pas se croire libre. Et ben, avouer et reconnaître honnêtement et sincèrement qu'il ne l'est pas. Nous sommes un monde d'automates sans conscience ni liberté. Nous sommes des inconscients organiques greffés sur corps. Nous sommes des corps greffés sur rien. Une espèce de rien sans mesure et sans bord, et qui n'a pas de milieu ou d'axe, ou serait-ce l'axe dans le rien, et qu'est-ce qui serait le milieu du rien, et de quoi rien serait le milieu, et comment rien formerait-il centre quand il n'y a pas d'invariable milieu, que l'invariable milieu est un leurre qui désarticule la réalité. Quand il a été question de ce projet de séance et d'organiser le tête-à-tête qui a lieu aujourd'hui, je me suis adressé à un certain nombre de journaux pour leur demander de l'annoncer. Non que je puisse penser que l'histoire vécue de ma vie puisse avoir de quoi intéresser la masse de ce qu'on appelle le grand public, qui, je le sais, a bien d'autres chats à fouetter. Et socialement parlant, je suis en effet un trop petit personnage pour avoir le droit d'espérer que les événements capitaux de mon existence soient de nature à émouvoir ou à troubler la conscience, au point où elle en est présentement arrivée. Je ne sais pas d'ailleurs au juste de quoi s'occupe la conscience et ce qui passionne actuellement l'opinion, mais à voir les choses. J'ai l'impression qu'elle s'occupe avant tout de digérer sa vieille illusion d'être au monde sans avoir jamais rien fait d'autre qu'un certain nombre de saloperies capitales pour y rentrer. Et que tout ce qu'elle demande, c'est qu'on la laisse incuber, ou succuber, peut-être, paisiblement, le bien volé. Quoi qu'il en soit. Il me paraissait que l'histoire d'un inconnu interné arbitrairement à la suite d'une histoire de police crasse et maintenue aussi arbitrairement, pendant 9 ans, dans un asile d'aliénés, aurait de quoi faire dresser l'oreille ici et là à quelques gens quand on aurait su de quelle histoire de police exactement il s'agissait. Et je pensais, en outre, que l'histoire de cet internement arbitraire aurait eu de quoi amuser doucement quelques esprits quand on aurait su que ces 9 ans d'internement se compliquaient au début de 3 ans d'empoisonnement, pendant lesquels j'ai été mis au secret et systématiquement coupé de tout lien avec le monde extérieur. Et on faisait répondre aux amis ou parents qui venaient demander de mes nouvelles que j'étais mort. Ces années d'empoisonnement, avec des hauts et des bas, eurent leur paroxysme pendant les 5 mois que je passais à l'asile de Quatre-Mars à Sotteville-lès-Rouen, de novembre 1937 à mars 1938. La guerre à ce moment-là n'était pas encore déclarée. Elle l'était pour moi, qui avait à me battre du matin au soir avec des infirmiers et gardiens d'asile pour ne pas absorber les potions suspectes qu'on voulait me faire prendre de force, ou pour ne pas manger les assiettés de haricots ou de lentilles qu'on m'amenait saupoudrées d'une poudre blanche qui ressemblait à du camphre ou à de la naphtaline, et qui était purement et grossièrement de cette anodine et inoffensive substance appelée cyanure de potassium. D'habitude, les poudres suspectes sont beaucoup mieux enrobées dans les aliments que l'on présente aux condamnés. Mais, à la longue, les infirmiers, accablés de visites d'agents de la sûreté qui leur apportaient des sachets de poudre blanche enveloppés dans un billet de 1 000 francs, avaient fini par avoir assez de cet empoisonné qui ne parvenait pas à crever. Les empoisonnements d'Artaud étant devenus le secret polichinelle de l'asile, il lui apportait la soupe et les poisons en vrac dans la même assiette, sans plus aucune espèce de précaution ou de dissimulation. Ah, il n'empêche que l'empoisonné que l'on fourrait en cellule, nu sur une paillasse avec une simple chemise sur le corps, avait dysenterie sur dysenterie et vomissement sur vomissement. Et dans les cellules, les WC sont constitués par un trou à même le plancher qu'il faut vider à la main. Et je me souviendrai toujours de ce matin, après une nuit de colique atroce, l'infirmier entrant dans ma cellule et visant le trou s'écria « Oh ! Oh ! Oh ! Dieu de mes aïeux !» pour une chasse, c'est une chasse. Ah, on n'a jamais vu une chasse comme ça. Mais après quoi, le médecin-chef de l'asile m'accusa de délirer le matin à l'heure de la visite lorsque je lui dis que je pensais être empoisonné. Il y avait, d'ailleurs, dans le hall attenant au dortoir, dans lequel, en général, j'étais couché, une certaine petite armoire où étaient entreposés les sachets de poudre blanche apportés tous les jours par les agents de la sûreté. Et un soir, qu'on avait comme par hasard oublié de me servir ma portion de petit pois, et que je la réclamais, je vis le surveillant-chef arrêter au passage l'infirmier qui m'apportait une assiette de pois vierge. Et il était dans le hall et j'étais au fond du dortoir. « Attends, il faut encore lui mettre ça dedans. » C'est ainsi qu'une fois de plus, je me vis contraint de refuser l'assiette qui m'était apportée. Eh bien, on n'interne pas pendant 9 ans. On ne met pas au secret, on n'empoisonne pas, on ne fait pas passer pour mort un écrivain et homme de théâtre comme celui que j'avais été jusqu'en 1937, sans une raison capitale majeure, mais une raison trouble, et louche en plus, qui à la sonder d'un peu plus près, cette raison policière secrète ne laissera pas de faire apparaître les plus abjects et sinistres dessous. Mais je crois que tous les problèmes qui agitèrent la conscience du temps, les problèmes sociaux, historiques, économiques et politiques qui firent la vie des journaux, des cafés, des salons et des partous de l'arrière-fond de la vieille façade obtuse où la vie encastre son front, ne compteront pas pour grand-chose au jour de la grande explication qui ne peut manquer d'éclater entre ce que je suis et l'autre, les autres, de ce monde. Mais le son froissé du cadavre de Gérard de Nerval la Bruny, ce bruit cave d'un corps inouï tordu au vent d'une aube insane et pendu pour avoir écrit ne cessera pas de rester inscrit dans et il y a aussi l'aphasie de Baudelaire. Et une autre chose qui depuis près de 30 ans me hante, c'est cette espèce de paralysie dans laquelle a sombré Lénine. Au moment où il était sur le point de donner à la révolution qu'il avait faite le coup de pouce dans la vie. Oui, il y a 30 ans, je ne savais pas, mais maintenant je sais que Lénine a été foudroyé par un calcul universel de la masse, qu'il a été foudroyé par la volonté consciente et préméditée de la masse pour avoir résisté sur le plan de sa vie intime à une insondable saloperie sur laquelle je vais m'expliquer ici. Car ce n'est pas pour leur déclamer des poèmes que j'ai voulu ici aujourd'hui réunir quelques amis, mais pour leur dire publiquement une chose qui est celle... Pourquoi on a voulu me faire fermer la bouche, m'accusant, chaque fois que j'ai voulu ouvrir ce funèbre chapitre de délire, de monomanie, de mégalomanie et de folie? Ce que nous voyons n'est pas tout à fait le plan de la vie. Ce n'est pas là que ça se passe. C'est ailleurs. Et autrement. Et j'ai fini par savoir où. Rengainez vos livres, savants, philosophes, vos bréviaires, prêtres, Ils ne sont pas dans le registre. Je suis arrivé au Havre avec 2 coups de couteau. Je ne les avais pas ramassés au Havre, mais ils étaient là, toujours là, en cicatrice. J'y suis arrivé aussi avec 1 coup de barre de fer. Et qu'ai-je donc, moi, Antonin Artaud, pour être ainsi poursuivi par cette fatalité d'agression et de crime, coups de couteau, estrapade, assommoir, poison, camisole, garrot, cellule, famine, séquestration, mise au secret, électrochoc, il y en a trop. Et pendant trop longtemps, pour que ça ne fasse pas craquer le cadre. Car je me promenais ce jour-là tranquillement sur l'une des principales places de la ville, à côté du jardin public, lorsque je fus assailli par derrière par un homme de petite taille, roux clair, quelque peu albinos, qui sortit une matraque de fer qu'il dissimulait sous sa veste, et m'en donna à l'improviste un coup terrible sur la colonne vertébrale. Je sentis ma vie s'ouvrir en deux, et j'eus l'impression que mon corps et mon âme, et je croyais encore à l'époque à ces deux ostrogoths éléments-là, ne se recolleraient pas, et plus jamais. Et, de fait, ma colonne vertébrale avait cédé. Et j'ai fait, il y a encore que quelques jours, constater à des médecins la terrible fêlure. Je n'eus sur le moment qu'une idée. Ne pas mourir, ne pas m'en aller, ne pas tomber à terre, n'être pas ramassé comme un cadavre sur la place, n'être pas envoyé à la morgue, n'être pas mis dans un cercueil, n'être pas descendu en terre, ne pas comme les autres hommes, me croire fait pour retourner en poussière. Or, toute la conscience parle, et elle parlait en même temps que moi, et elle se permit aussi de discuter de mon sort, la conscience, savoir ce qu'elle ferait de moi. Tout cela se passa en un clin d'œil et dut occuper dans le temps au maximum 7 à 8 secondes. Mais un agent de police en uniforme avait vu l'agression et il s'approchait pour me porter secours ou tout au moins relever mon cadavre, me croyant mort. Lorsque, à sa grande stupéfaction, il me vit revenir à moi. Il y avait dans mon dos un terrible arrachement de fibres, un aplatissement d'eau et de tendons, mais pas de sang, ou juste une goutte sur le bord de mon col, mais qui provenait de la suite de la bataille et que je fis remarquer le soir en rentrant à la propriétaire de l'hôtel où j'habitais, car les choses n'en restèrent pas là, et il y eut bataille. Et c'est à cette bataille que je confie encore M. Pascal Pia, directeur d'un journal dit de la Résistance, et rédigé, paraît-il, par des résistants. Oui, à super ressort, sans doute, car l'abaissement du vocabulaire est en liaison étroite avec l'abaissement de la propreté morale et de la dignité de la pensée. Et de la résistance de la pensée. Mais moi, je crois que l'honneur n'est plus et que la sodomisation de la conscience est à son comble. Et parmi les conscients de leur conscience, il y a ceux qui acceptent pour beaucoup moins que la célèbre obole des 6 fameux 30 deniers. Et ceux qui refusent cette sodomisation utérine de conscience, dût-on leur griller l'âme, lévitatrice des pieds? Et donc, toute la grande presse française de ce temps aurait pu voir, après le coup donné sur moi, mon corps basculer, puis se redresser, et la suite lui aurait paru en valoir la peine, bien qu'on ait tout fait pour la faire oublier. Que les faits présentés soient peu communs et étranges, là n'est pas la question. Furent-ils ou ne furent-ils pas? Eh bien, ils furent. Mais la conscience est si malhonnête que les ayant vus, elle les nie. Et qu'elle prend ensuite tout moyen, et il y en a, pour passer l'éponge sur eux. Et qui s'en souvient? C'est qu'ils délirent. Qui les affirme est un possédé. Internable et interné, bon à mettre en cellule, à encamisoler, à garrotter, à empoisonner et à passer à l'électrochoc, car rien comme l'électrochoc pour faire oublier. Les médecins causent des maladies. Les savants causent des cataclysmes cosmiques, n'ont jamais rien compris à la nature antisensorielle, anti-organique, anti-anatomique, mais par-dessus tout anti-spirituelle, psychique, logique ou dialectique de la vie. Il ne s'agit même pas de pénétrer l'invisible, mais simplement d'accepter le visible. Et qu'est-ce que c'est que cette opération qui consiste à rejeter arbitrairement du sensible et du visible tout ce qui, d'après eux, n'est pas scientifique? Qu'est-ce qui, pour eux, est donc scientifique? Ce qui est scientifique, c'est ce qui obéit à cette vie larvée de castrats qui veulent que les choses soient soumises à une loi et à un être. Être lent, limoneux, larvaire, lubrifiant, non épileptique, non très sautant. Et sans la médecine et la science, il n'y aurait jamais, entre autres, de crise d'épilepsie, car la vie est épileptique, insurrectionnelle, sans loi, hors norme, hors verbe, hors discours, incompréhensible, imprenable, elle n'est rien. Il n'y a rien que les saccades épileptoïdes tétanisantes éjaculatrices de ses issues. J'ai une canne de bois, très dure, avec un bout ferré. J'ai été agressé injustement par un agent provocateur de la police. Si je la frappe, elle rendra les feux du Popocatépetl et du Vésuve. Et qu'on le croit ou non, mais il y a eu des témoins. C'est ce jour-là ce qui s'est produit. Je me suis retourné sous la douleur et j'ai frappé l'agent provocateur qui appartenait à la police en civil. Et je m'aperçus alors qu'il n'était pas seul, mais qu'il y avait non loin de là avec lui une sombre masse de cognes, lesquels se jetèrent sur moi pour m'arrêter. Or, la police en uniforme prit mon parti. Elle me vit frapper sans avertissement. Elle jugea que j'avais le droit de riposter et de me défendre. Et une terrible mêlée s'ensuivit. C'est qu'en Irlande, les choses ne sont pas tout à fait comme ici. La police en uniforme, et plus ou moins mêlée de Sinn Féiners. La police en civil appartient plus ou moins à l'intelligence service. Car le chef de la police irlandaise est, comme on le sait, un Anglais. Et il me revint dans la conscience une histoire. Celle de ce bâton par moi planté dans une vie qui n'était plus cette vie même, mais une autre que je revis au bout de ma vie même. Comme à la cime de l'année qui commence, je revois le souvenir de l'autre année, 1946, ou après 9 ans d'isolement, d'empoisonnement, de séquestration, d'électrochoc, de mise au secret, de silence. J'ai fini par pouvoir parler. Une légende est sur cette canne qui dit qu'avant d'avoir été la canne de Saint-Patrick, elle aurait été celle de Jésus-Christ qui, dit-on, la planta lui-même. Et Jésus-Christ n'a pas planté cette canne, mais moi-même. Moi. Parce que la mémoire m'est revenue. Et c'est sous la douleur qu'elle m'est revenue. Certaines douleurs en font retrouver d'autres. Et il n'y a rien comme la douleur pour ressusciter la mémoire et unifier les souvenirs. D'une douleur à l'autre, l'individualité la plus enfouie se reclasse, la personnalité se reconstruit. Or, la suite de mes douleurs ne m'a pas seulement rendu la mémoire d'une existence, mais de plusieurs. Ma voix n'est pas celle d'un autre. Il n'y a pas deux voix humaines qui se ressemblent, deux corps non plus. Il n'y a pas deux corps qui réagissent de même au même genre de douleur. La douleur est le tranchant du fil de l'intense. Un intense toujours particularisé, à penser à toutes les douleurs de mon corps et à en retrouver l'immêlable, l'inaliénable registre. Je me suis vu faire d'étranges chemins dans l'espace de plusieurs vies. En Chine, en Perse, à Thèbes, dans les Andes, sur les bords de l'Atlantique au temps des Celtes, et enfin à Jérusalem. J'ai souvenir d'une fin d'après-midi en Galilée, en face d'une espèce de petit désert où je conçus l'idée d'une canne de fer. La société me dit fou parce qu'elle me mange et elle en mange d'autres. Pas au hasard, mais d'une manière systématique et concertée. Et elle a voulu m'assassiner et me faire disparaître parce que j'ai vu qu'elle me mangeait. Et que j'ai toujours voulu dire ouvertement et publiquement que mes seuls rapports entre moi et elle étaient d'avoir voulu me forcer à me laisser librement manger. La conscience ne s'en tient pas au rapport extérieur. Bonjour, bonsoir, comment vas-tu, je t'aime, pourquoi ne veux-tu plus m'aimer que nous avons avec les êtres. Elle déborde l'espace immédiat et visible du corps humain, c'est-à-dire que le corps est plus grand et plus vaste, plus étendu, plus à repli et à retour sur lui-même que l'œil immédiat ne le décèle et le conçoit quand il le voit. Le corps est une multitude affolée. Une espèce de mal à souffler qui ne peut jamais avoir fini de révéler ce qu'elle recèle, et elle recèle toute la réalité. Ce qui veut dire que chaque individu qui existe est aussi grand que toute l'immensité et peut se voir dans toute l'immensité. qui ne le voit pas de la merde aux pieds qui l'empêche d'évoluer sur un plan plus grand que son nez. Moi, je n'ai cessé de voir, non ce que tous les gens me disent, mais ce qu'ils sont quand ils ne parlent pas, ne disent rien et qu'ils sont loin. Si je connais cette faculté du corps humain, je ne suis pas le seul, et la multitude aussi des initiés la connaît, et même des non-initiés. C'est ainsi que la masse ne veut pas de ma poésie, et que lorsqu'il a été question de cette séance-ci, il m'a été répondu que je n'étais pas assez commercial pour la masse. Seulement la masse, qui n'a jamais cessé de réprouver ce que je faisais, n'a jamais cessé non plus nuit et jour de me fréquenter. Avec l'extension de ses organes intimes nuit et jour, de me fréquenter. Monsieur Bunga, monsieur Cantonnier, monsieur Rémouleur, monsieur Coutelier, monsieur Vidangeur, monsieur Ramoneur ne s'occupent pas en général pas de moi, ni corporellement, ni en pensée. Mais monsieur professeur, monsieur prêtre, monsieur médecin, monsieur soudoyer, flic soudoyer de la Sorbonne, monsieur haut salaire de la régie des finances, de l'enregistrement, monsieur haut gradé de l'administration, monsieur père des institutions, monsieur pop, monsieur rabbin, monsieur soufi, monsieur parsi, monsieur peintre, monsieur écrivain et monsieur comptable, monsieur pharmacien, monsieur grenetier, monsieur corroyeur, monsieur chausseur et restaurateur, monsieur haut placé, monsieur bien placé, enfin monsieur simplement placé, et leur femme, leur fils, leur fille, leur femme de chambre, leurs cuisiniers n'ont jamais cessé de me joindre. Et pour me joindre, de me chercher comme la lèvre cherche la lèvre dans l'espace et l'immensité. Le corps des gens ne fait pas grand-chose, mais leur esprit d'inverti, qui ne vit que du corps des autres, ne se lasse pas de circuler, tant il y a qu'à la fin l'esprit finit par n'être qu'un sexe en prurite d'avaler sans jamais se lasser tout ce qui peut se présenter. La masse passe pour ne pas aimer les idées, et elle ment, car c'est elle qui les a imposées. Tout ce qu'on appelle cerveau vient d'elle, car elle a trouvé que c'était le meilleur moyen de rejoindre tout ce qui s'était jusque-là refusé. Ce qu'on n'a pas encore, ayons-le en pensée, s'est-elle dit. Ce serait bien le diable si le corps par cette voie-là ne finissait pas par venir aussi. Un tel, dit Rimbaud, croit qu'il est un homme. Eh ben non. Et il est un chien. La masse passe pour avoir été sans conscience et sans pensée. Eh ben non. Et rien comme la masse pourrait aimer la spiritualité. Pourquoi ? Parce que l'esprit permet d'avoir et de posséder tout de suite ce qu'il aurait fallu marcher 100 ans pour commencer à mériter. C'est ainsi que tout le monde, et de plus en plus, se fait maintenant initié. Les initiés ont appris à la conscience à pomper physiquement des gencives et des lèvres comme on renifle un macaroni. Et il n'est pas de petite ville française, il n'est pas de recoin de Paris où, de jour comme de nuit, un néophyte des porcheries invisibles n'absorbe un corps arraché à Artomomo. De force, arraché à Artomomo. Seulement, Artomomo a compris le truc. Il sait qu'il n'y a pas d'esprit, mais des hommes, des millions et des millions d'hommes, des centaines de millions d'hommes qui sur la terre font de la magie petitement, chacun dans son coin, avec de grands ou de petits moyens. Mais ce qu'on appelle de la magie, ni rituelle, ni sacramentelle, de la simple magie corporelle, de la sale magie sexuelle, celle qu'on peut faire au bord de son lit. Je me souviens donc de cette fin d'après-midi en Galilée où j'eus l'idée d'une canne imbrisable pour lutter aussi bien contre la méchanceté des hommes que contre celle des événements. Mais, en fait, c'est tout un et tout comme, car sans la préméditation calculée de tout homme, il n'y aurait, même sur le plan de la nature sans homme, végétal, minéral, atomique, cosmique, pas de choses, pas d'événements. Et Jésus-Christ ne fut pas un homme, mais une espèce d'événement. La force d'un irrecevable esprit depuis toujours désiré par les hommes et qui, dans la tradition judéo-chrétienne, est le Christ, un emmerdoir comme pas un. Et je dirais simplement, que l'idée de Christ a failli se faire homme, et qu'il y avait à Jérusalem en ce temps-là un certain nombre d'hommes pour s'en croire l'incarnation, mais pas moi, qui fut toujours athée, et rien qu'homme, et qui en ce temps-là m'appelait Arto, et en plus Antonin, comme maintenant. Et poussant mes souvenirs, j'ai retrouvé une chose hideuse. L'une des cicatrices que je porte dans le dos, un peu au-dessus de la place du cœur, est celle d'un coup de couteau reçu à Marseille en 1916, devant l'église des Réformés. Alors que j'allais avoir 20 ans, n'avais aucune fréquentation dans aucune espèce de milieu, ce coup de couteau me donna à réfléchir. J'en reçus un autre en 1928, rue des Martyrs, au cours d'une bagarre plus ou moins surréaliste, mais je ne sais plus si c'est d'un flic ou d'un souteneur. J'ai reçu un coup de barre de fer dans le dos, en Irlande, un après-midi de septembre 1937, sur une place de Dublin. J'ai été agressé sur le bateau qui me ramenait d'Irlande dans ma cabine par le steward et le chef mécanicien qui s'introduisirent dans ma cabine, avec une clé anglaise, énorme instrument de fonte et de fer, et le chef mécanicien dit au steward en lui mettant la clé dans la main « Chouchi !» Ce qui veut dire « frappe-le ». Et c'est en me défendant contre eux que tout le navire fut alerté et qu'on me passa la camisole. Et j'ai pensé que cette longue poursuite d'un homme par une sorte de mauvais destin n'était pas la poursuite d'un homme par le destin, mais d'un homme par les hommes. Par un groupe déterminé d'hommes. Et que cela ressemblait terriblement à une histoire d'initiés. Il n'y a que les haines d'initiés qui soient si longues et si acharnées. Mais qu'ai-je à foutre des initiés, moi? Qu'en avais-je à foutre il y a 2000 ans à Jérusalem? Car voilà cette chose hideuse, c'est que j'ai fini par me rappeler et par comprendre. C'était la conférence au Vieux Colombier, histoire vécue d'Arto Momo, d'Antonin Arto, interprétée par Philippe Clévenot. Prise de son montage, Philippe Bredin, Jean-Baptiste Etcheparebord, assistante Séverine Cassard, réalisation Blandine Masson. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 septembre 2001.